tendresse fragile qui ne tenait qu'à un fil, pas efficace. L'amour du risque, c'est dégueulasse. Moi je ne t'estime plus, ta bêtise t'a perdu, immature, descends de moi. Ah ah ah ah. Dire que ton pouvoir je l'assiège, car ton emprise est un piège. Moi mon cœur je le protège. Serpent, tu te mords la queue, un jour tu perdras tes cheveux, et là il sera trop tard. Moi je pars. Moi je pars. Attendre quelqu'un en quelque part. J'en suis ravi, mon passé m'a appris à ne plus dire oui, tu t'es cru tout permis. Je suis aux anges maintenant qu'il n'y a plus ta frange qui me dérange. Et je préfère être un ange et oublier le temps qui passe. Le silence est une réponse qui s'annonce assez loin de toi. Tu ne la comprends pas. L'indifférence est un moment si long. Comment mettre des mots si froids sur cet état? Si tu es seul, ce n'est pas par hasard. Ton cœur n'est pas fait pour vivre des histoires. Je sais qu'au fond, t'es quelqu'un qui s'attache. Alors pourquoi tu joues au gars si lâche? Qu'est-ce que t'attends? Peut-être que le temps passe pour grandir et surmonter tes angoisses. Le développement personnel, je connais ça. Mais je ne pense pas changer les choses en toi. Démerde-toi. Démerde-toi. Démerde-toi. Tu t'en souviens d'elle, tu aimais mes, tu respirais le, tu m'emmerdais de, je m'en irais, et je suis parti beaucoup plus loin, la cour des grands me séduit. Un mini short très très très court, et mon amour a de belles ailes, Cupidon me tournera autour. Et me touchera en plein ciel.